Et on reprend le fil de nos mercredis consacrés au numérique et aux nouvelles technologies. Entre Roland Garros, le mondial de football, les vacances et la canicule, l'information est passée relativement inaperçue dans la torpeur estivale. Et pourtant, la décision prise aux États-Unis concernant la neutralité de net pourrait bien constituer un précédent, voire la porte ouverte à une nouvelle ère du réseau où les fournisseurs d'accès auraient tout pouvoir, le pouvoir de favoriser leur propre contenu au détriment des autres, de limiter la bande passante pour certaines catégories de sites, bref, de discriminer les usages et les pratiques sur le réseau. Internet neutre, mais pas trop, c'est le problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour bien comprendre l'importance et la nature de ce virage, depuis la création au CERN en 1989 de ce qu'on appelle aujourd'hui, et peut-être à juste titre maintenant, les internets, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Habitboul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collège de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et directeur de recherche à INRIA, et le camarade Benjamin Bayard. Bonjour. Bonjour. Président de l'association Fonds de défense de la neutralité du net et cofondateur de la Quadrature du net. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes de France Culture, sur les ondes radiophoniques et sur le fil Twitter, @laméthodefc. Profitez-en tant que vous y avez un accès illimité. Ça ne va peut-être pas durer, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que si vous pensiez que la fin de la neutralité du net, c'est quelque chose d'abstrait, qui ne nous concerne finalement pas vraiment, eh bien aux États-Unis, son abrogation est entrée en vigueur donc le 11 juin, le lundi 11 juin. Écoutez ce reportage à propos des incendies en Californie quelques semaines plus tard. La diminution du flux des données de Verizon est arrivée peu de temps après l'incendie dans le complexe de Mendocino. La restriction du flux Internet, pratique du fournisseur d'accès, a délibérément réduit le débit des données. Les pompiers de Santa Clara, en Californie, ont vu le débit de leur flux Internet réduit de manière dramatique. La vitesse de notre connexion a été réduite de 200 fois par rapport au haut débit habituel. Le conseil de Santa Clara le dit d'une autre façon. C'est un bond dans le passé, comme si on avait reculé de 20 à 30 ans en arrière. Et ceci pendant que les pompiers de Santa Clara étaient en train de lutter contre ce qui allait devenir le plus grand incendie de l'histoire du comté. Leur capacité à lutter contre le feu a été sévèrement perturbée par cette baisse du débit. Voilà un reportage de la chaîne américaine ABC à propos de cet incident autour des pompiers de Santa Clara dont la lutte contre l'incendie géant a été compliquée par cette limitation du débit. Une réaction finalement, alors c'est évidemment très spectaculaire, hein, les pompiers contre un incendie, on voit l'injustice à l'œuvre, mais bon, c'est évidemment plus complexe que ça, Benjamin Bayard ? Oui, c'est à peine un problème de neutralité du net. C'est beaucoup plus un problème de définition des contrats. C'est-à-dire que les pompiers utilisent un abonnement grand public, et donc dans l'abonnement grand public, il y a un certain nombre de limitations prévues au contrat et qui sont appliquées. C'est un peu ridicule, quoi, que les infrastructures essentielles ne servent pas de manière prioritaire et inclus dans les obligations de service public. Mais c'est des histoires de réglementation. Aux États-Unis, il y a très peu ce type de réglementation qui prévoit les usages publics, les usages prioritaires, etc. Serge Habitboul, on se retrouve tout de même face effectivement à un contrat avec une diminution du réseau qui est quand même une conséquence de cette entrée en vigueur de la fin de ce qu'on appelle la fin de la neutralité du net et qu'on va définir un peu plus dans quelques instants. Je serais pas aussi affirmatif que ça. Pour moi, c'est une grosse bêtise de Verizon. Et puis, c'est aussi, comme disait Benjamin, c'est aussi une erreur sur le fait que des services de sécurité comme les pompiers ne doivent pas partager un réseau grand public qui, par définition du réseau grand public, peut être amené à avoir des variations. Alors donc là, il y a le fait qu'on retrouvait des pompiers sur un réseau grand public, ce qui est quand même pas forcément une bonne idée, et puis que Verizon a réagi n'importe comment en ne tenant pas compte de la sécurité, des problèmes de sécurité. Donc là, je dirais que c'est des problèmes sérieux, mais c'est pas exactement un problème de neutralité du net. Par contre, ce qui est vrai dans le problème de neutralité du net, c'est qu'il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques pour nous, en tant que citoyens, comme de ne pas pouvoir avoir accès à des services qui nous intéressent parce que ils n'ont pas le bon contrat avec notre provider. Ça peut être aussi des problèmes de commerciaux extrêmement sévères, comme le fait que Internet devient du coup une espèce de jungle où tout peut se passer. Mais je crois que l'exemple des pompiers de Californie n'est pas forcément le meilleur exemple pour la neutralité du réseau. Alors disons que c'est un peu le petit bout de la lorgnette. On va essayer de comprendre surtout, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé ce lundi 11 juin aux États-Unis. On a annonce la fin de la neutralité du net, c'est-à-dire concrètement, Benjamin Bayard, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, alors pour le coup... Serge Abitboul, ouais, comme vous voulez. Je pense que je préfère laisser le régulateur s'exprimer. Okay, alors, Serge Abitboul, qu'est-ce qui s'est passé ce lundi 11 juin aux États-Unis? Alors, on est dans une situation qui est quand même assez étrange, parce que le net, c'est quelque chose d'international. Et les réglementations sont des réglementations nationales. Alors, en Europe, on a un grand avantage, c'est qu'on est au-delà du national. Au niveau européen, on a reconnu la neutralité du net comme une valeur, comme une quelque chose qu'il fallait défendre. C'est un règlement de la Commission. Voilà, c'est un règlement qui est repris par les différents pays de la communauté européenne. On n'est pas les seuls, hein, il y a des pays d'Amérique du Sud, il y a l'Inde. Enfin bon, c'est quand même quelque chose qui est plutôt une tendance générale internationale. Aux États-Unis, c'était aussi le cas. Donc le gouvernement américain respectait la neutralité du net. Et puis le gouvernement de Trump est revenu là-dessus. C'est encore une fois, faut reconnaître, excusez-moi le mot, c'est un peu le bordel, parce que en ce moment en Californie, on est en train de revoter la neutralité du réseau. Donc on va se retrouver à une situation, moi je comprends rien, je comprends pas comment ça peut être réglable d'un point de vue juridique, où les États-Unis seront contre, la Californie, elle sera pour, elle l'implémentera. Donc je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ça prouve bien que si en Europe, il n'y a pas une véritable question de défense de la neutralité du net, parce que la neutralité est appliquée en Europe, d'un point de vue et encore une fois, il y a quand même des soucis ici et là, des points qui sont un peu, c'est un peu compliqué à savoir exactement ce que ça veut dire. Donc, on pourra revenir sur les détails, mais en gros, c'est respecté en Europe, ça l'est pas aux États-Unis. Alors, on va revenir sur la situation américaine, mais j'aimerais tout de même qu'on définisse pour nous dire de quoi on parle quand on parle de neutralité du net. Ça veut dire quoi exactement, en finir avec la neutralité du net, Benjamin Bayard? Alors, pour comprendre ce que c'est que la neutralité du net, en fait, il faut comprendre que c'est un problème plus large. C'est la question du pouvoir et de la responsabilité des intermédiaires techniques. Les intermédiaires techniques, dans le monde du numérique, ont un pouvoir colossal, et donc ils doivent avoir une certaine responsabilité, ils doivent avoir des comptes à rendre sur la façon dont ils usent et dont ils abusent de ce pouvoir. La parabole de Spider-Man, vous me disiez. Oui, c'est ça, c'est la phrase de grande philosophie qu'on trouve dans Spider-Man, hein, le grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. En fait, il faut comprendre, dans le monde du numérique, le fournisseur d'accès à Internet dispose d'un pouvoir absolu qui n'a pas d'équivalent dans le monde physique. Là, on est en train de discuter, on est trois autour de la table, on s'entend tous les trois parce que ma voix fait vibrer l'air. Personne sur Terre n'a le pouvoir de modifier ça. Ce qui fait que les auditeurs m'entendent, c'est qu'il y a un micro, c'est qu'il y a quelqu'un en régie, toute une installation technique, et cet intermédiaire technique a un pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui sont en régie, ils appuient sur un bouton et tout d'un coup, plus personne ne m'entend. Ce pouvoir est assez puissant. Là, dans le cadre de l'émission de radio, le pouvoir des personnes en régie est absolu. Il se trouve que je ne parle en émission de radio que quelques heures de ci, de là dans ma vie, donc c'est très rare. Sur Internet, le fournisseur d'accès à Internet a ce même pouvoir absolu. Même plus grand. Il peut modifier mes propos à la volée, ce qui en régie est pas simple à faire. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai publié un billet de blog sur mon site qui raconte machin, et ben les fournisseurs d'accès peuvent faire en sorte que quiconque visite le site voit autre chose que ce que j'ai écrit. Ils peuvent remplacer Manu par président de la République. Donc ça, c'est un pouvoir absolu. Dont ils ne font pas usage, en tout cas en France ou en Europe. Dont ils ne font en moyenne pas usage, parce que les usages sont très chers, parce que c'est complètement délirant. Mais faut comprendre que c'est pas si délirant que ça. C'est comme ça que le régime Ben Ali contrôlait sa population. C'est comme ça que le régime chinois censure les gens qui veulent accéder à l'information. C'est en intervenant sur le réseau. pas en fermant les sites, c'est trop compliqué, en intervenant sur le réseau et en utilisant le réseau comme outil de censure. Qu'on comprenne bien, juste pour le préciser une fois, pour toute l'émission, peut-être qu'on le redira, mais les fournisseurs d'accès à Internet, ce sont les grands opérateurs qui vous donnent accès à Internet. En l'occurrence, on va citer plusieurs, mais ça peut être Free, ça peut être Bouygues, ça peut être Orange, ça peut être SFR. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Et puis, ce sont ce qu'on appelle les opérateurs de réseau, c'est-à-dire les opérateurs qui interconnectent les différentes plaques du réseau. C'est-à-dire que Orange, Free, etc. sont interconnectés avec d'autres opérateurs qui sont eux-mêmes interconnectés avec d'autres. Et tout ça forme un grand patchwork qui est le réseau mondial. Et en fait, un opérateur sur sa zone à lui a tout pouvoir. Il est Dieu, en fait, sur le réseau. Et il se trouve que le plus souvent, ils interviennent pas trop, ils font pas trop de cochonneries. Mais en fait, ce qu'on appelle protéger la neutralité du net, c'est dire... Dans quel cas ils ont le droit d'utiliser ce pouvoir extraordinaire et qu'est-ce qu'ils ont droit de faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est pas possible? Etc. Et c'est ça, en fait. La définition de la neutralité du net, c'est ça. Et il se trouve que la question se pose pour plein d'autres intermédiaires techniques. Typiquement, Facebook a le même pouvoir absolu sur ce qui se passe dans Facebook. Il se trouve que ce qui se passe dans Facebook n'est qu'une partie de votre vie en ligne. Alors que votre fournisseur d'accès à Internet voit toute votre vie en ligne. Donc la neutralité du net, c'est vraiment définir les limites du pouvoir des opérateurs. Et ce qu'il faudra mettre en place dans les années qui viennent, ça va s'appeler la loyauté des plateformes, ça va s'appeler le libre choix des terminaux, ça va porter des noms différents. C'est pareil pour les autres grands intermédiaires techniques, définir à quel moment ils ont le droit d'user de quel pouvoir. Serge Abitboul, quand on parle de neutralité, peut-être que vous voulez compléter ce que vient de dire Benjamin Bayard avant que je vous pose une autre question. Non, c'était extrêmement bien expliqué, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, moi je vais vous demander peut-être de préciser quelque chose. Quand on parle de la fin de la neutralité du net, la première chose à laquelle on fait référence de ce pouvoir absolu dont disposent les fournisseurs d'accès, c'est celui finalement de privilégier certains couloir à d'autres, de privilégier certains accès, c'est-à-dire de donner grosso modo de l'internet à plusieurs vitesses, avec des internets pour lesquels on paye plus cher, pour avoir accès à des services, non pas meilleurs, mais pour avoir accès à ce dont on a accès, à ce à quoi on a accès aujourd'hui, normalement dans un internet entre guillemets neutre, et avoir finalement d'autres services dégradés qui coûteraient moins cher, mais pour lesquels on ne pourrait pas avoir accès exactement au même service, c'est cela ? Alors c'est ça, et en fait c'est un peu le... Enfin, faut regarder le point de départ de tout ça, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet, ceux qui vous amènent Internet chez vous, qui vous permettent de vous connecter à ce truc génial qui est Internet, ce sont des entreprises dont le but est de maximiser leurs profits, bien sûr. Et donc, ils imaginent développer leur business en gagnant de l'argent de deux façons différentes. La première que vous avez citée, c'est sur la qualité et dire... Moi, je vais vous filer une qualité supérieure contre plus d'argent et une qualité, un internet du pauvre, si vous voulez, si vous payez pas grand-chose. C'est un petit peu contre l'esprit original du web. Il y a aussi l'idée de dire, on va pouvoir faire des services. Alors, le cas des pompiers, là, on peut revenir dessus. On va vous faire des services qui sont des services de sécurité, qui demandent 100% de sécurité, une perfection technique parfaite. Une bande passante, exactement, de la réactivité. En général, c'est pas ça qu'on fait sur Internet. Internet, c'est du best effort, on essaie de faire au mieux, vous êtes en compétition avec tout le monde, on peut pas faire ce genre de choses. Le deuxième axe est plus délicat, c'est de dire, et là on peut les comprendre, c'est de dire, écoutez, ces services du web rapportent énormément d'argent. Ça rapporte énormément d'argent à qui ? Aux grandes entreprises du web, aux Google, Facebook, Apple, etc. Et nous, nous sommes des FAI, des fournisseurs d'accès Internet, on est typiquement plus locaux, et puis on voit passer tout ça, c'est nous qui fournissons ce service d'une certaine façon, puisque c'est sur nos tuyaux que ça passe, mais on n'en retient qu'une toute petite partie. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir monétiser tout ça. Et donc là, on arrive à dire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un fournisseur et puis lui dire, un fournisseur de services, on va lui dire, si vous voulez que vos services aillent plus vite... Typiquement YouTube ou Netflix, disons, par exemple. Voilà, Netflix, on va aller voir Netflix, on va leur dire, Netflix, on voudrait un petit bout du camembert, on voudrait un peu du gâteau, donnez-en un petit peu. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va ralentir votre service. Bon, et il y a une espèce de jeu comme ça. Alors... Personnellement, j'ai pas particulièrement envie de défendre Netflix, Google ou les autres. C'est pas forcément mon boulot. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est l'idée générale de tout ça. Si vous commencez à mettre le doigt là-dedans, ça devient une espèce de jungle. C'est-à-dire que après, y a rien qui empêche un gros de dire, bah écoutez, d'accord, moi je veux bien vous donner de l'argent, mais par contre, tous ces petits-là qui me gênent, là, toutes ces start-up qui sont un peu ennuyeuses, vous les laissez pas passer ou vous les ralentissez, elles. Et donc, on arrive à une espèce de jungle où tout est permis. Et mon avis personnel, c'est que au final, les seuls qui ont y perdre, c'est les utilisateurs, parce qu'ils pourront plus choisir. Ils n'auront plus la liberté de choix. On va leur dire, bah, ce service-là, bah, vous voulez écouter de la musique chez Deezer? Non, c'est pas bon. Nous, on a un accord avec Spotify. Vous avez qu'à écouter de la musique avec Spotify. Donc, c'est un peu la fin du web comme on l'imaginait au départ, qui est un service. Un bien commun d'une certaine façon, quelque chose qui était partagé entre tous les internautes, et puis on finit par un web, des différents webs privés sur lesquels il va falloir choisir ce que vous voulez, quoi. Benjamin Bayard. En fait, on peut présenter exactement la même chose avec d'autres mots, c'est en regardant ça comme étant du pouvoir de nuisance. C'est-à-dire le fournisseur d'accès à Internet a, vis-à-vis du fournisseur de contenu, de Netflix ou de YouTube, un pouvoir de nuisance, et en fait il dit: moi, je peux saper ton business. C'est-à-dire, je peux faire en sorte que les utilisateurs n'arrivent plus à bien utiliser ta plateforme, sauf si tu me donnes de l'argent. Ça rappelle un peu le concept de l'impôt révolutionnaire des mafias. Ou du racket, oui. C'est ça. C'est vraiment le principe. Et ce mouvement-là est extraordinairement malsain parce que c'est un accord commercial qui est passé entre le fournisseur d'accès Internet et le fournisseur de services. Après, on peut se dire, deux entreprises négocient un accord, elles sont en opposition, elles se bastonnent un peu, bon, normal, business. Oui, mais quel est le produit qui est échangé entre ces deux mains, entre ces deux entreprises? L'objet de l'accord, c'est moi, utilisateur final. L'utilisateur final n'est plus sujet du contrat, parce que dans le contrat qui me lie à mon fournisseur d'accès, je suis sujet du contrat, c'est moi qui ai passé le contrat avec. Et l'accès à Internet est l'objet du contrat. Donc je trouve c'est fondamentalement, philosophiquement malsain que deux entreprises passent un accord dont les personnes sont l'objet. Quand vous devenez la marchandise, vous allez être maltraité. Par ailleurs, alors l'argument effectivement très classique mis en avant, moi je l'ai entendu à l'époque où je bossais chez un grand opérateur français dont je donnerai pas le nom, où mon directeur technique se lamentait du fait qu'on dépensait des centaines de millions d'euros tous les ans à faire des trous dans les trottoirs, etc., etc., etc., pour récolter 30 balles par mois, alors que Mythic, qui fait à peu près rien, et où c'est les gens qui amènent les données, c'est un site de rencontre pour les gens qui connaissent pas, donc c'est les gens qui cherchent à faire des rencontres, qui amènent leur profil, qui renseignent la base de données, qui mettent de l'information, et Mythic fait payer 30 balles par mois. Il disait quand même, ça fait chier, ils touchent autant que nous comme abonnement, sauf qu'eux, ils font pas le travail. Donc ça, c'est le point de vue défendu par les opérateurs. Et en fait, il tient pas. Économiquement, il tient pas. C'est-à-dire que pourquoi les fournisseurs d'accès à Internet récoltent à peu près 50% du gâteau, ce qui est énorme. La Poste ne récolte pas 50% du chiffre d'affaires du commerce en ligne. La Poste transporte les colis de Amazon ou de n'importe qui chez qui vous commandez quelque chose, et ils récoltent pas 50% du chiffre d'affaires. Il se trouve que dans le numérique, les opérateurs représentent à peu près 50% du chiffre d'affaires. Alors forcément, si le on chiffre compare d'affaires de quel chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires global du numérique, oui, du global, de tout ce qui est dépensé en ligne. D'accord. Alors évidemment, quand on compare Orange et Google, on voit Google est énorme, Orange est relativement petit. Mais oui, mais Orange, c'est régional. Google, c'est à échelle mondiale. Donc si on veut comparer, il faut faire la somme des plateformes à échelle mondiale à comparer avec la somme de tous les opérateurs du monde. Et là, on se rend compte que, bah, finalement, ce que touchent les opérateurs est pas si négligeable que ça. Et en fait, fondamentalement, c'est l'abonné qui demande le contenu. Les opérateurs présentent toujours « YouTube déverse ses vidéos dans mon réseau ». C'est parfaitement faux. YouTube, quand il se réveille le matin, il envoie de la vidéo à personne. Il faut bien que l'utilisateur vienne et puis clique sur le bouton « Play » de la vidéo pour que la vidéo arrive. C'est bien à la demande de l'utilisateur que le contenu arrive. Or, l'utilisateur, pourquoi est-ce qu'il a payé Orange ou Free? C'est pas pour la déco. Je sais bien, les box sont un peu moins moches qu'il y a quelques années, mais enfin, c'est pas un élément de décoration centrale du salon. Non. C'est bien pour avoir l'accès au réseau. C'est bien précisément parce que ça permet l'accès au service. Si on paye EDF, c'est pas parce qu'on a un vrai fantasme sur le compteur électrique. C'est pour avoir de l'électricité. Si on paye Orange ou Free, c'est pour avoir du réseau. Donc en fait, les opérateurs sont payés. Et ils sont payés par leurs abonnés. Et c'est très bien comme ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons de la neutralité du net et de sa possible fin, ce qui est déjà le cas aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis d'ailleurs. On en parle avec Serge Habitboul et Benjamin Bayard. Alors, je vais reprendre l'un des arguments que vous venez de démonter, Benjamin Bayard, qui est tout de même l'un des arguments qu'on retrouve très souvent quand on parle de la fin de la neutralité du net. Les fournisseurs d'accès disent finalement que, Serge Habitboul, me retourne vers vous, que voilà, eux, effectivement, comme le disait Benjamin tout à l'heure, ils font du dur, c'est-à-dire qu'ils font des câbles, ce réseau-là, il faut l'entretenir, et que, il faut réinvestir, quoi. Donc, c'est logique, c'est légitime, finalement, qu'à un moment donné, les gens qui mettent un peu plus la main au portefeuille bénéficient d'un service d'un peu meilleure qualité que ceux qui mettent un peu moins la main au portefeuille. Où est le problème là-dedans? Le problème, c'est d'en vouloir plus, parce que pour l'instant, comme disait Benjamin, on paye pour ça. C'est le principe, c'est quand même assez simple, c'est que je paye pour mon fournisseur d'accès Internet, je paye un certain prix et je paye pour avoir accès aux services que je veux dans le monde entier et pas à des services particuliers. Le problème là, c'est de vouloir aller un peu plus loin, de faire une certaine façon. On se retrouve encore dans une espèce de commerce multiface, c'est-à-dire qu'ils ramènent de l'argent de nous, puisque nous payons ce service, et puis ils se disent, mais on pourrait aussi en récupérer de l'autre côté des services du web qui pourraient payer aussi. Donc c'est un petit peu ça, et c'est cette confusion qui d'une certaine façon est pernicieuse. On va retrouver exactement le même système dans les grands services du web, et là je vais peut-être écarter un peu le sujet, c'est pas uniquement la neutralité du tuyau qui est importante, si votre tuyau est neutre, mais que les services qu'elles vous aboutissez le sont pas, vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc, quand vous avez un service aussi important que le moteur de recherche Google, par exemple, le moteur de recherche Google, c'est 90% du trafic de moteur de recherche dans le monde. Vous avez ça, donc d'une certaine façon, les classements qu'ils vous donnent vont déterminer vos choix, vont déterminer vos lectures, vont déterminer vos achats, vont déterminer plein de choses. Et là encore, économie biface, c'est-à-dire qu'il y a de la publicité, on vend votre attention avec de la publicité, mais on va compliquer encore le modèle en ne classant pas de façon neutre les résultats. Donc, autre forme de neutralité. On va privilégier certains services par rapport à d'autres. Ça, c'est la question des algorithmes de classification des moteurs de recherche. On en a parlé plusieurs fois ici. Pour rester sur cette question, finalement, de cet argument, vous y avez répondu partiellement, Benjamin Bayard, mais tout de même, quand Netflix, aujourd'hui, on voit des études qui disent que Netflix est un tiers, 34, 40%, 50% par moment de la consommation de flux aux États-Unis en heure de pointe, les fournisseurs d'accès sont pas légitimes à dire attendez, vous prenez beaucoup de bandes passantes, nous on est obligé de remettre des câbles, on est obligé de remettre de la fibre pour pouvoir soutenir cette consommation là. C'est normal qu'ils mettent un peu la main au portefeuille pour garantir cette qualité de service ou pas? Si je peux me permettre, oui, ils mettent déjà la main au portefeuille. C'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire que ces grands d'internet ont déjà leur propre réseau parallèle. Si on revient au problème qui s'était passé entre Free et Netflix, par exemple, ce qu'a fait Netflix, c'est qu'ils ont installé des serveurs près des serveurs de Free. Et à partir de ce moment-là, le problème qui avait été remarqué de lenteur, de ralentissement de Netflix n'était plus vrai. Donc il y a déjà une participation de ces grandes entreprises à Internet en créant leur propre réseau, en mettant leur propre service avec des content providers, etc. Donc ils participent déjà énormément au réseau. La question là, c'est directement avec votre provider, avec votre service provider, Internet service provider. Là, ce que vous voulez, vous avez un contrat. Moi, j'ai un contrat avec une entreprise et je lui demande de m'amener le réseau. Je lui demande de m'amener un réseau neutre, que je puisse choisir les services que je veux. Je veux pas qu'il y ait encore un niveau de complexité qui va, premièrement, m'empêcher d'être libre et de faire mes choix. Et deuxièmement, d'une certaine façon, nuire, mais de façon majeure, à la concurrence sur le réseau. Benjamin Bayard. En fait, il y a derrière cette analyse de les opérateurs font les investissements et les plateformes font les bénéfices, quelque chose qui est structurellement faux. Encore une fois, ce qui consomme de la bande passante, c'est jamais la plateforme. Netflix ne consomme pas de bande passante. Les clients de Netflix consomment de la bande passante. Et ça n'a rien à voir. Et en fait, le grand jeu, c'est moi, en tant qu'internaute, si ce que je consomme coûte cher à produire, on peut envisager de me le facturer. Ce serait une réponse légitime. Si les coûts d'entretien du réseau se mettent à augmenter, si les investissements à réaliser dans le réseau se mettent à augmenter, il faut peut-être augmenter les abonnements. Et ça, c'est légitime. Mais le présenter dans l'autre sens, c'est un mensonge. Et c'est extrêmement important à comprendre parce que ça change la nature du contrat. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Le contrat que je passe avec mon fournisseur d'accès à Internet, c'est je veux accéder à Internet. Point. Que je veuille regarder du YouPorn, du YouTube ou du Netflix, c'est mon problème. C'est pas le sien. Alors il peut me dire, ah mais attention, nous on a des gros coûts de production, alors tu peux pas regarder plus de 300 gigaoctets par mois. Peut-être. Mais il a pas à me dire ce que je fais avec les 300 gigaoctets. Je fais du mail si j'ai envie, je fais de la vidéo si j'ai envie, je fais de l'audio si j'ai envie. Et c'est là que ça devient différent. Quand le contrat se négocie entre Netflix et Verizon, ou entre Netflix et Free. Verizon et Free, qui est un opérateur américain. Quand le contrat se négocie entre la plateforme et l'opérateur, moi, internaute, on m'a privé de mon choix. Ils ont décidé que Netflix, c'était plus important que telle autre plateforme concurrente. Alors, pour garantir une belle qualité Netflix, ils ont fait payer Netflix, etc. Mais ma liberté de choisir si ce qui pour moi est important, c'est telle plateforme ou telle autre, elle a totalement disparu du contrat. Mais alors, le corollaire à cela, Benjamin Bayard, ça veut dire que pour vous, sur Internet, il est totalement impossible de prioriser un flux par rapport à un autre. C'est-à-dire que non. C'est une autre critique qui peut être faite. Je me fais évidemment l'avocat du diable. Ça veut dire que à aucun moment il n'est envisageable, alors que le trafic est de plus en plus dense, qu'effectivement il faut réinvestir dans l'infrastructure, de dire à un moment donné, on va réserver des couloirs prioritaires pour, mettons, des choses vertueuses, la recherche sur, par exemple, la télémédecine, sur le véhicule automatique, etc. Et puis on va réduire un peu les couloirs pour la pornographie, par exemple. Et ça pourrait être logique. Typiquement, alors ce ne sont pas ces exemples-là, mais typiquement, le texte européen prévoit bien un certain nombre de cas où on a le droit de porter atteinte à la neutralité du net et où les opérateurs ont le droit de le faire. Par exemple. Eh bien, par exemple, s'il y a une panne sur le réseau et que du coup, c'est temporairement hyper engorgé à un endroit, ils ont le droit d'intervenir pour permettre qu'il y ait un certain service minimum qui reste, par exemple, en décidant de virer toutes les vidéos pour que les SMS passent encore. Vous voyez, ce genre de choses-là. Du moment que c'est transitoire, suite à une panne, qu'ils peuvent démontrer que c'est un effet très temporaire et que ça va s'arrêter, ils ont le droit de le faire. Par exemple, si c'est pour assurer la stabilité du réseau. C'est-à-dire que si telle plateforme, dans son mode de fonctionnement, fait en sorte que le réseau risque de tomber en panne, ils ont le droit d'intervenir et de couper. Si le trafic qu'on voit passer, c'est une attaque, ce qui est très classique, j'ai voir passer des volumes délirants suite à des attaques sur Internet, c'est hyper classique, ils ont le droit de jeter le trafic à la poubelle. Donc il y a tout un tas de cas qui sont prévus, et donc par exemple, s'il y a besoin pour des usages type télémédecine d'un accès prioritaire, alors en fait il se trouve que la bonne réponse c'est il ne faut pas le faire sur Internet. Si on a besoin d'un accès prioritaire, il ne faut surtout pas le faire sur Internet. Il faut le faire sur un réseau qui apporte des garanties. Mais voilà, toutes ces limitations-là sont prévues par les textes européens. Et c'est bien ce que je disais au départ, c'est ils ont un pouvoir absolu, et spontanément ils ont envie de s'en servir pour faire du fric, quitte à maltraiter tout le monde, et que dit le texte, c'est votre pouvoir absolu, vous ne pouvez vous en servir que dans tel et tel cas bien délimité. Autre question, cas de figure, si finalement, moi consommateur, mon fournisseur d'accès qui me dit, écoutez, vous savez quoi, je vais réduire un peu la facture, mais moyennant quoi, bon ben voilà, cette plateforme d'écoute musicale, ça vous coûte rien, je compte pas les données, vous pouvez écouter la musique tant que vous voulez là-dessus, il n'y a pas de problème, puis vous allez payer un peu moins cher, en revanche vous n'aurez pas beaucoup de vidéos, je regarde pas de vidéos, moi ça réduit ma facture, en quoi ça pose un problème Serge Hadvitboul ? Alors ça, c'est le problème du ce qu'on appelle le zéro rating, alors ça pose un problème parce que d'une certaine façon, vous discriminez d'une façon positive au lieu de discriminer de façon négative, mais vous discriminez pareil. C'est-à-dire que vous avez favorisé une entreprise en disant, bon, si vous êtes sur avec ce fournisseur de musique, par exemple, Deezer, qui est français. Et donc, vous pouvez l'écouter en dehors de votre forfait, tous les autres passeront dans le forfait. Là, vous êtes dans une discrimination qui va faire que, vous êtes en train d'empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, parce que, évidemment, toute nouvelle entreprise qui fera de la musique, elle pourrait plus rentrer. Et deuxièmement, vous m'empêchez un peu, d'une certaine façon, d'être libre du choix de la musique que je vais écouter. Donc, la seule chose qui reste dans l'esprit de la neutralité du réseau, c'est de dire, La musique, ça prend trop de bandes passantes. Alors, on va plutôt faire ça avec la vidéo, parce que c'est plutôt la vidéo. Alors, la vidéo, allons-y. La vidéo prend trop de bandes passantes. On va vous limiter ce que vous avez, l'accès que vous avez en vidéo, mais on va le limiter pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pas dire, vous êtes juste limité sur YouTube, ou vous êtes juste limité sur YouPorn, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, mais vous allez être limité sur tout le spectre. Dans ces cas-là, on a maintenu votre liberté de choix. Vous avez le droit d'écouter YouTube ou de regarder YouTube ou YouPorn, c'est votre problème. Et d'un autre côté, vous avez maintenu la concurrence pour pouvoir en laisser de nouveaux entrants sur le net. Benjamin Bayard. Oui, donc ça, c'est une des limitations qu'il y a dans le texte européen. Un des cas où ils ont le droit d'opérer une certaine discrimination. Et on a beaucoup lutté avec la quadrature du net à l'époque où les textes se discutaient pour dire non, ils n'ont pas le droit de privilégier un service. Ils ont le droit de privilégier un type de service. Et dans ce cas-là, tous les fournisseurs de ce type de service doivent se retrouver traités de la même façon. C'est-à-dire que la vidéo soit hébergée sur mon blog perso ou sur YouTube ou sur Peertube, qui est une plateforme libre en train de se développer, ou sur la plateforme de la prochaine start-up ou sur quoi que ce soit qui diffuse de la vidéo, toute la vidéo doit être traitée pareil. Par exemple, un usage qui est très classique, en France, les opérateurs sont tous des fournisseurs multiples et ils fournissent du téléphone et de la télévision en plus de l'accès à Internet. Leur service téléphonique est priorisé de manière à ce que, même quand on est en train de télécharger pleine balle sur sa ligne ADSL qui est saturée autant qu'elle peut, le téléphone reste fluide. Et que ça craque pas, que ça fasse pas des voix de robots, etc. Bien, ça, nous on considère que c'est illégitime. Pour le moment, l'ARCEP considère que ça va, on va regarder ailleurs. C'est illégitime parce qu'il y a des opérateurs qui fournissent des services de téléphonie au-dessus d'Internet. Typiquement, OVH en France fournit des services de téléphone avec un numéro en 09 quelque chose, qui sont des numéros de téléphonie sur IP, et qui eux sont traités dans le flux Internet, et donc le flux téléphonie de l'opérateur dont je suis client est priorisé par rapport au flux téléphonie de l'opérateur que j'aurais pu choisir. Ça, c'est pas juste. En tant qu'ils sont tous les deux fournisseurs de téléphonie, ils devraient être traités de la même façon. Pour le moment, on n'est pas encore rentré vraiment dans ce type de détail-là dans l'application en France, ou même dans le reste de l'Europe. On a juste dégrossi. Mais il faudra bien y venir. Si je peux permettre juste sur ce point, il y a une différence pour l'instant qui est de fait sur la téléphonie, c'est que la téléphonie n'est pas uniquement de la téléphonie over the top, c'est pas uniquement de la téléphonie internet, il y a aussi la téléphonie classique, j'allais dire, et donc on est dans cette phase de transition où coexistent la téléphonie sur fil câble d'antan et la téléphonie sur Internet, et évidemment sur IP. Et donc, c'est la phase transitoire, et dans une phase transitoire, c'est évident que c'est plus difficile de tout articuler. I hear there's rumors on the internets. Rumors on the internets. Get off the Internet à 16h35 sur France Culture du groupe Le Tigre, puisque nous parlons de la neutralité du net tout au long de cette heure en compagnie de Serge Habitboul, qui est membre du collège de l'ARCEP et directeur de recherche à INRIA, et Benjamin Bayard, président de l'association Fonds de défense de la neutralité du net et cofondateur de la Quadrature du Net. Et tout de suite, un petit changement dans l'organisation de nos mercredis.

par les quatre acteurs de la gouvernance d'Internet, qui sont les États, les entreprises, les institutions internationales, ainsi que les collectifs organisés. Donc, dit autrement, j'ai mis en lumière la manière dont les acteurs engagés dans la lutte pour la gouvernance d'Internet créent les conditions de victoire sociale au sein de ces espaces ou, au contraire, échouent à atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup, Mathilde Moreno. Une réaction, Benjamin Bayard ? Oui, parce que ça parle de vous en partie. De... Oui, ça, oui ça parle un peu de ce que j'ai fait ces 20 dernières années. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de morceaux que je trouve intéressants, mais c'est sur un résumé de 4 minutes, c'est très dur. En particulier, le parallèle avec le 18e siècle est extrêmement intéressant. C'est ce que j'expliquais en tout début d'émission. Les intermédiaires techniques dans le monde du numérique ont un pouvoir colossal, et il faut limiter ce pouvoir. Et en fait, c'est exactement la même réflexion que celle qui est menée en France à l'époque des Lumières, au 17e et au 18e, où on commence à bien percevoir que l'État, la chose publique, la puissance publique, a une puissance colossale et qu'il va falloir la limiter. Et qu'on limite la puissance de l'État par la séparation des pouvoirs, la déclaration des droits de l'homme, l'existence d'une constitution, et qui sont des principes qui sont pas immanents. Hein, je veux dire, c'est récent, c'est moderne cette idée qu'on limite les pouvoirs du souverain. Et ben en fait, les questions de la gouvernance du numérique et autour de neutralité du net, de loyauté des plateformes, etc., etc., sont exactement de la même nature. Comment les intermédiaires techniques qui sont tout puissants peuvent être limités dans le droit qu'ils ont d'utiliser leur pouvoir. Et c'est donc pour le coup, le parallèle avec le 18e siècle est logique. Le fait de voir ça comme comment on limite les entreprises puissantes, c'est exactement la bonne formulation, exactement comme au 18e siècle, la question était comment on limite l'État tout puissant. Voilà, moi il y a plein de choses qui me parlent là-dedans. Sarah Wittboul, un mot sur les travaux de Mathilde Moreno ? Oui, évidemment, j'aimerais en lire, on sort beaucoup plus que ces 4 minutes. Mathilde Moreno se soutient la semaine prochaine, donc bientôt vous allez pouvoir avoir le document complet entre les mains ou assister à ce On va enfin pouvoir lire le document. Ouais, ça. Oui, non, moi ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est les conflits que ça sous-tend. C'est-à-dire qu'il y a des conflits entre des droits qui sont pas forcément le droit de l'État de vous surveiller, le droit des citoyens à avoir une vraie vie privée. Il y a des conflits de cette nature-là. Il y a des conflits avec les entreprises aussi, parce que il faut toujours penser que quand on fait de la régulation dans ce domaine-là, on ne veut pas empêcher l'innovation, empêcher aux entreprises le droit de se développer. Donc il y a tout le domaine associatif qui, à mon avis, devrait avoir beaucoup plus la parole encore. Mais il faut aussi écouter les entreprises. Donc c'est un sujet passionnant. Ces conflits sont passionnants. On va, Mathilde Moreno, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir sur ces questions liées à la neutralité du net. Vous venez de le rappeler, on en a parlé tout à l'heure, il y a un règlement de protection qui a été adopté qui nous protège encore, avec quelques exceptions que Benjamin Bayard évoquait tout à l'heure et qui défend cette neutralité du net sur le territoire européen. Sauf que si on y regarde d'un peu plus près, eh bien la neutralité du net s'est déjà faite un peu rogner aux entournures par l'évolution même de nos modes de connexion au réseau. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est l'opinion du patron de l'ARCEP, Sébastien Soriano, que vous avez rencontré. Oui, l'ARCEP, c'est l'autorité qui régule les télécommunications en France. Ils ont publié en début d'année une étude sur les terminaux qui pourraient être le maillon faible de la neutralité du net. Alors les terminaux, ce sont toutes les interfaces qui nous connectent au réseau, les smartphones, les commandes vocales et bientôt les voitures autonomes, tout ça. Et Sébastien Soriano m'a expliqué comment ces terminaux pourraient prendre le contrôle sur nos décisions en nous fermant l'ouverture au web. Mais aussi, heureusement, il m'a expliqué comment on pouvait prévenir ce problème. Le point de départ de notre analyse, c'est de comparer l'expérience qu'on a d'Internet sur un ordinateur fixe et l'expérience qu'on a d'Internet sur un mobile. On se rend plus compte, en fait, de l'immense liberté qu'on avait sur un ordinateur fixe. On peut installer tous les logiciels qu'on veut, on peut choisir les moteurs de recherche qu'on veut, le navigateur qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut avec nos données. Il y a une vraie liberté d'utilisation. Et cet Internet extrêmement ouvert, eh bien, c'est terminé. C'est-à-dire que le smartphone est un peu une prison dorée. Mais en quoi l'accès va être restreint pour certains consommateurs, que ce soit sur les tablettes ou sur les écrans portables ou même dans sa voiture ou dans son électroménager ? Moi, je trouve que l'exemple qui est le plus frappant, c'est de se dire que vous pouvez acheter un smartphone à 1000 euros. Dessus, il y a des applications que vous ne pouvez même pas supprimer. Un autre exemple qui, lui, est très structurant, c'est celui des magasins d'applications. Vous ne pouvez installer sur votre téléphone que des applications qui viennent du magasin d'applications X. Alors parfois, suivant les marques de téléphone, vous pouvez parfois installer des magasins alternatifs, mais c'est extrêmement compliqué et vous êtes très désincité à le faire. C'est-à-dire que c'est Android ou Apple qui a officiellement tamponné, approuvé votre application et qui a permis qu'elle soit accessible pour les consommateurs, qui a permis que la version 1.2 soit accessible, la version 1.3, peut-être qu'il a refusé la version 1.4. Et ça, on s'y est habitué. On s'y est d'autant plus habitué que ça s'est accompagné d'une innovation. Avant, on avait Internet seulement à la maison, maintenant on l'a dans la poche, c'est génial, reconnaissons-le. Mais on a accepté que cet Internet nomade, que cet Internet mobile, soit un Internet rétréci. Mais alors ça pose des problèmes parce que de plus en plus notre société se tourne vers l'Internet des objets. Vous me parliez des GAFA, mais maintenant ce sera des fabricants d'objets du quotidien qui pourront restreindre encore cet accès. Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y a deux exemples qu'on peut citer. Le premier, c'est la voiture. Le deuxième, c'est la télévision. Le point commun entre les deux, c'est la commande vocale. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez utiliser la fameuse commande vocale. Alors aujourd'hui, les objets qui sont les plus populaires sont ces fameuses enceintes connectées qu'on est censé mettre dans son salon. Vous allez passer à la commande vocale. Ça veut dire que vous êtes au volant de votre voiture. Vous allez dire à votre système, je voudrais écouter de la musique. Contrairement à une recherche comme on en faisait avant sur un bon vieil ordinateur fixe, la voiture va vous mettre directement un truc qui va correspondre à vos habitudes, à vos choix. Peut-être qu'il y aura un endroit dans lequel vous pourrez mettre vos préférences, mais vous aurez des choix par défaut. Et on voit que ces choix par défaut, ils sont extrêmement structurants. Vous pourrez avoir des accords commerciaux qui auront été passés entre, par exemple, la voiture et donc sa commande vocale, et, par exemple, une marque de grande distribution. De telle sorte que quand vous demanderez à votre voiture, vous direz, bon, le matin, vous allez au travail en voiture, vous dites, bon, ce soir, j'ai un dîner. Est-ce que vous voulez que je fasse des courses? Oui. Donc je voudrais que vous achetiez des pommes de terre, vous faites comme ça la liste de vos courses, et à la fin, la machine vous dira, ben, c'est bien entendu, à quelle heure souhaitez-vous être livré, à 18h, à votre domicile, très bien, voilà, hop. Et on n'a pas discuté de savoir si on faisait les courses chez Casino, chez Carrefour ou chez Franprix. L'interface va prendre le pouvoir, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne, celui auquel vous allez parler, celui auquel vous allez vous adresser, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement le terminal, qui va prendre un pouvoir phénoménal avec l'Internet des objets. C'est vraiment la prise de pouvoir des objets et des terminaux. Et le réseau risque de devenir de plus en plus un simple transporteur d'informations neutre, intervenant de manière très faible sur ce qui se passe, toute l'information étant gérée à l'interface, c'est-à-dire à la périphérie du réseau. Après, je peux me dire, je suis un utilisateur, j'ai envie de gagner du temps. Ok, je me déresponsabilise, mais je gagne du temps et je sais que les choix qui seront faits seront représentatifs de ma volonté. Pourquoi pas ? On peut payer pour gagner du temps. Mais vous avez parfaitement raison de vous faire l'avocat du diable, puisque justement ce qui est en jeu, c'est un pacte faustien. Et dans, par définition, dans un pacte faustien, vous avez un certain bénéfice. Comme la publicité ciblée finalement. Oui, absolument, mais absolument. Je ne suis pas en train de dire c'est mal. Ce que je souligne, c'est l'illusion qu'on peut avoir d'être dans un système libre. Et ça n'est pas le cas. On est dans un environnement lié, biaisé, qui va faire un peu des choix à votre place. Je ne dis pas que c'est mal. Simplement, ça me paraît être quelque chose qui est un peu mis sous le tapis et qui pourrait amener à des lourdes déceptions. Et c'est la raison pour laquelle la proposition que nous faisons, c'est de faire rentrer les terminaux dans la régulation. Aujourd'hui, nous ne régulons que les réseaux. Or, l'objet que nous régulons, ce que nous voyons, c'est qu'il est en train de perdre le pouvoir au profit de quelque chose qui est à l'extérieur de notre périmètre de régulation. Et donc, ce que nous proposons, c'est de faire rentrer les terminaux dans la régulation et qu'il y ait un certain nombre de principes, qu'il y ait de la régulation, c'est-à-dire qu'il y ait un contrôle par la puissance publique. Il ne s'agit pas d'inhiber l'innovation, il s'agit simplement de faire en sorte qu'elle aille dans le sens de l'intérêt des utilisateurs, de faire en sorte que les marchés soient concurrentiels, qu'ils soient fluides, qu'on soit loyal vis-à-vis des consommateurs. C'est exactement, si vous voulez, ce que nous proposons, c'est vraiment d'étendre le principe de neutralité du net aux terminaux. Avec la neutralité du net, on garantit que la tuyauterie d'Internet est neutre. Avec ce que nous proposons sur les terminaux, c'est de faire en sorte que ce principe vale aussi pour les robinets d'Internet. Donc c'est terminer le boulot de faire en sorte qu'à un niveau technique, il y ait vraiment une neutralité, une liberté de choix des utilisateurs qui concerne leur accès à Internet. En revanche, on ferme les yeux sur ce qui se passe. Il ne s'agit pas de rentrer dans une régulation des contenus d'Internet. Et maintenant, c'est aux politiques de se saisir au nom de ces questions. Donc, c'est au gouvernement français et aux instances européennes, à la Commission européenne, de se saisir au nom de ces propositions. Voilà, est-ce que cette question liée aux terminaux n'est pas en fait le constat que la neutralité du net a déjà de facto reculé pour chacun d'entre nous qui utilisons de plus en plus ces terminaux au détriment du bon vieil ordinateur qui nous laisse le choix ? Benjamin Bayard, une réaction. Alors, non, c'est pas le signe que la neutralité du net a reculé. Au contraire, en fait. C'est une conséquence du fait que la neutralité du net soit là. Ça veut dire que la garantie de la neutralité du net est loin d'être suffisante. Alors, j'ai un point de vue de quelque part de vieux là-dessus. Ce que décrit Sébastien Soriano, c'est le problème des libertés qu'on garantit à l'utilisateur sur un ordinateur. Parce que le téléphone, c'est un ordinateur de poche. Et en fait, ces questions, on les débat dans le monde du logiciel libre depuis une trentaine d'années. C'est tout le sujet des réflexions de Richard Stallman dans les années 80. Donc c'est pas un sujet neuf. Moi je trouve ça formidable que le régulateur des télécoms en France en 2018 comprenne enfin les questions sur lesquelles on se battait dans les années 80. C'est bien. On va demander au représentant du régulateur. Le travail de l'ARCEP là-dessus en France est extrêmement intéressant, de même que c'est l'ARCEP qui en 2009 avait mené pas mal de travaux en France et qui ont été repris au niveau européen par la suite. Donc c'est vraiment bien que ça ait lieu. Moi je trouve que c'est un petit peu tard, mais je veux dire, ça fait que les gens de l'ARCEP sont plusieurs années en avance sur la majorité de nos ministres. Alors, Serge Habitboul, vous qui êtes le digne représentant de l'ARCEP autour de cette table, à ce micro. Oui, on peut discuter pendant des heures pour savoir à quel moment fallait commencer, fallait pas commencer. La vérité, c'est qu'il faut regarder les problèmes et puis il faut essayer de les régler. Et c'est pas évident de les faire avancer parce que ce point de vue-là, le point de vue que Sébastien Soriano vient de donner est pas du tout partagé au niveau européen. C'est quelque chose sur lequel il y aura des combats politiques à mener et sur lequel des associations sont bienvenues pour filer un coup de main. Mais je vais reprendre vraiment ce qu'il a dit, mais parce qu'il a expliqué ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce réseau? Et ce réseau, c'est un bien commun qui nous permet à tous de faire des choix, de communiquer, d'acheter des produits, et donc on veut garantir notre liberté, nos libertés de choix, notre liberté d'expression, et ça veut dire contrôler ce qui s'y passe. Alors on a la première pierre de l'édifice qui était indispensable, parce que ça a commencé comme ça Internet, mais ça a été bien attaqué. Donc la première pierre de l'édifice maintenant est relativement stable, c'est la neutralité du réseau, le tuyau est stable en Europe, mais c'est pas fini. Même en Europe, il reste encore des débats sur le zéro rating ou des choses comme ça. Mais en gros, le principe est à peu près acté. Maintenant, il faut regarder les deux bouts du réseau. Donc, Sébastien a bien expliqué le problème des terminaux, le fait qu'on vous impose des choix. Il y a le problème aussi des plateformes. De l'autre côté, la loyauté des plateformes. La neutralité des plateformes, qui est un problème qu'on avait regardé, par exemple, au Conseil national du numérique quand j'y étais. Donc, il y a tous ces problèmes-là à regarder. Avec des principes quand même à fondamentaux qui sont garantir ma liberté de choix, garantir que ce réseau va rester pour moi un endroit où je vais pouvoir choisir ce que je veux. Et c'est vrai que c'est difficile. L'exemple que Sébastien a donné est peut-être le plus frappant. Avec ces assistants vocaux, vous posez une question, vous n'avez plus du tout conscience d'être sur Internet, vous n'avez plus conscience de pouvoir faire des choix, vous êtes complètement infantilisé d'une certaine façon. Mais c'est tellement pratique que les gens vont les utiliser, donc il faut voir comment on fait ça. Benjamin Bayard, ça c'est le mot-clé en fait, infantilisé. Je suis dépossédé de mes choix. C'est-à-dire, d'une part, ça me prive de ma liberté, ce qui est très embêtant, mais ça me rend pas adulte. Ça me prive de mon choix de ma capacité de me tromper également. Alors on peut considérer que c'est pas très grave quand il s'agit d'aller acheter les patates, mais quand il s'agit de savoir comment j'accède à l'information, c'est-à-dire quand je dis à ma voiture je vais écouter le journal, quel journal ça me donne, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même partout dans la presse le journal. En fait, pour moi, dans les points essentiels quand on s'intéresse aux responsabilités des intermédiaires techniques, c'est à quel moment l'utilisateur a le pouvoir de changer. C'est-à-dire que la voiture ait une radio choisie par défaut quand on dit je veux de la musique, pourquoi pas, si c'est l'utilisateur qui peut la choisir. Que l'assistant vocal ait telle ou telle configuration, pourquoi pas, si l'utilisateur peut en changer. Un point clé, par exemple, sur les smartphones, c'est on peut pas forcément changer les magasins applicatifs, donc on peut pas installer les applications qu'on veut. Je prends un exemple que je cite. Les magasins d'applications, oui. Entendons bien. Ce que je cite depuis 10 ans, c'est dans la sphère Apple, Monsieur Steve Jobs n'aimait pas la pornographie, ce qui est son bon droit, et donc il a décidé que les appareils Apple ne serviraient pas à ça, et donc toute application qui présente du nu est interdite sur l'Apple Store. Tous les sites de rencontres un peu trash, qui sont destinés à se trouver des plans cul, etc., ont des versions censurées sur l'Apple Store. Et je trouve ça sidérant, sidérant qu'une entreprise privée puisse imposer ses règles morales à ses clients. Je trouve ça extraordinaire. Mais moi, ça fait 10 ans que ça me sidère, cette affaire. Je comprends pas qu'elle en ait le droit. Et quand on parle de loyauté des plateformes, c'est ça. C'est moi, utilisateur, je suis adulte, et en tant qu'adulte, j'ai le droit à une liberté de choix. Et que l'appareil décide à ma place, même quand c'est avec toute la bienveillance du monde, j'en veux pas. Pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, on voit que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, Serge Abitboul dit que la neutralité des tuyaux est à peu près garantie. C'est pas tout à fait l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe ni aux États-Unis ou en Chine ou à d'autres endroits du monde. Je parlais en Europe. Hein. En Europe. Alors très bien. On voit le problème de loyauté des plateformes qu'on vient de l'évoquer Benjamin Bayard. On voit le problème lié aux terminaux d'assistants vocaux. Est-ce que la neutralité du net, c'est un château de sable qui résiste encore quelques années avant d'être emporté par la vague? Ou est-ce que vous pensez qu'elle a encore de belles et longues années d'enracinement et de solidité du chêne devant elle, Serge Abitboul? Je suis fondamentalement optimiste. Donc, je pense qu'on a des super technos, on a des trucs, des applis qui sont géniales. Dans un premier temps, on les balance sur le réseau et les gens s'y approprient. Maintenant, on est dans un deuxième temps où il faut qu'on arrive à faire ça de façon intelligente. Et je crois que les gens sont assez intelligents dans les démocraties. Alors, je parle encore en Europe, je ne parle pas dans des pays gouvernés par Trump, par exemple. Mais en Europe, je pense qu'on doit arriver à contrôler ce genre de choses et faire ça bien. Ça va demander des combats. Benjamin Bayard, vous partagez l'optimisme de Serge Abitboul? Modérément, oui. J'ai une certaine notion de la quantité de combats qu'il faut et de la quantité d'énergie qu'il faut dépenser. J'ai souvenir sur le débat de la neutralité du net, de la quantité d'énergie que les opérateurs ont mis en lobbying auprès de Bruxelles, où ils sont plus écoutés que les associations. Je vois la quantité de lobbying qui est mis en place par les éditeurs de logiciels en France, et qui sont écoutés par les ministres, alors que les associations ne le sont pas. C'est très très dur. En revanche, il y a une chose que l'histoire montre, au XVIIIe siècle, comme on l'évoquait tout à l'heure. En France, on a inventé au XVIIe et au XVIIIe siècle certaines idées centrales de la politique, comme la séparation des pouvoirs, le fait qu'il faille une constitution, etc., etc. On n'a pas été les premiers à s'en saisir, on n'a pas été les premiers à l'utiliser, on n'a pas été ceux qui l'utilisent le plus. On a beau se prétendre la patrie des droits de l'homme, on fait quand même partie des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais cette invention qu'on a donnée, ce concept philosophique qu'on a donné, pas mal de gens dans le monde s'en sont saisis. Et en fait, sur ces sujets-là, sur la responsabilité des intermédiaires techniques, sur la neutralité du net, etc., il y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui ont lieu en France, où pas mal d'autres pays sont plus à la marge. Et en fait, ce qu'on produit là, je pense qu'on a de bonnes chances de gagner, mais j'en suis pas certain. Et si on ne gagne pas et qu'on a quand même produit les éléments de pensée politique nécessaires, ce sera toujours ça de prix et ça peut resservir. On peut rappeler que le patron du CSA en 2014 avait estimé que la conception absolue, qu'il fallait en finir avec la conception absolutiste de la neutralité du net. C'est mauvais signe, c'est bon signe? Le patron du CSA qui raconte n'importe quoi concernant Internet, c'est presque une vocation, quoi. Ça fait partie de la fiche de poste, ça. Merci, ce sera le mot de la fin. C'est pas très sympa pour moi, ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Benjamin Bayard, merci Serge Abitboul. Merci beaucoup Mathilde Morino d'être venue nous présenter vos travaux de recherche. Bon courage et bonne chance pour votre soutenance la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Tom Humdenstock, Olivier Bétard à la réalisation et aujourd'hui Pascal Baudin à la technique. Allez, dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain nous allons parler de ces scientifiques dont les travaux ont été récupérés sans vergogne ou passés sous silence. Pourquoi? Eh bien parce que ces scientifiques étaient de sexe féminin. Ces réappropriations ont un nom, on parle d'effet Mathilda, formalisé par la chercheuse britannique Margaret Rossiter. Vous l'entendrez demain dans notre émission. Rendez-vous à 16h jusqu'à preuve du contraire.